when you feel quite confident, continue with another essential French verb, avoir, to have. Avoir, to have. J'ai. I have. J'ai. Vous avez. You have. Vous avez. Il a. He has. Il a. Nous avons. We have. Nous avons.